2,5 milliards de dollars, le prix d'une coquille vide. Et encore un autre milliard pour tenter d'exploiter en vain le contenu de cette coquille vide. La facture est lourde, très lourde, et a débouché sur un véritable scandale d'État. Il s'agit, bien entendu, de l'affaire Uramine dont M. X a commencé de nous entretenir la semaine passée. Résumé de l'épisode précédent. Uramine est une société cotée à la Bourse de Toronto, mais immatriculée dans un paradis fiscal fondé en 2005 par deux boursicoteurs qui ont investi chacun une somme dérisoire. Mais ils ont joué très habilement. Sachant que le cours de l'uranium ne cessait de grimper et que les géants miniers étaient en permanence à la recherche de nouveaux gisements, ils se sont rendus propriétaires de trois concessions africaines encore inexploitées en Namibie, Centrafrique et Afrique du Sud. Puis, tout en associant à leur compagnie quelques personnalités respectables, une banque canadienne, ils ont produit des documents mirifiques vantant l'excellence de leurs acquisitions. Objectif, en se livrant à ce que M. X a qualifié de gonflette boursière, ils ont réussi à valoriser Uramine au-delà de toute espérance. En octobre 2006, elle est déjà estimée par ses fondateurs à quelque 500 millions de dollars. En France, le groupe nucléaire public Areva est intéressé. Sa présidente, Anne Lauvergeon, veut accroître à tout prix sa production d'uranium dans un contexte de compétition acharnée entre tous les géants miniers. Elle est d'autant plus pressée que, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007, elle sait que de puissants intérêts industriels guignent Areva et pousse à sa privatisation. Il lui faut donc se trouver en position de force pour résister à ces pressions. Des négociations sont entamées avec Uramine. Au début janvier 2007, Areva achète un peu plus de 5% de ses actions. Conséquence, la valeur de la compagnie progresse dans des proportions inouïes. Elle coûtera donc encore plus cher si Areva veut l'acquérir en totalité. Pourquoi ? Le groupe nucléaire a-t-il agi ainsi? C'est l'une des questions troublantes que pose cette affaire, mais ce n'est pas la dernière. La suite avec M. X. Radio activity. Dans notre précédent entretien, je m'étonnais pour préparer l'acquisition d'Uramine. Les experts d'Areva ont compulsé tous les documents qu'ils ont pu trouver, mais aucun d'entre eux ne s'est rendu sur place. C'est-à-dire sur les sites des concessions? Oui, autre interrogation. Les études préalables ont été établies par un cabinet d'expertise anglo-saxon, SRK, rémunéré par le vendeur Uramine. Ah oui, elles ont forcément conclu à la viabilité des mines et à leur rentabilité. Il ne pouvait pas en être autrement. Ce cabinet n'allait quand même pas contrarier ceux qui le payaient. On peut donc douter de la fiabilité de ces études. Et qu'elles étaient peut-être même frauduleuses. Songez que SRK n'a procédé à aucun relevé géologique, pas plus qu'il n'a effectué des carottages ou des analyses chimiques. Ouais, c'est donc une évaluation au doigt mouillé. Mais chez Areva, il y avait des spécialistes qui étaient quand même difficiles d'abuser, non ? C'est évident. Et parmi eux, certains géologues savaient que la COGEMA, entreprise mère d'Areva, avait déjà pensé exploiter l'un des sites dans les années 60, celui de Bakouma, en Centrafrique. Mais la COGEMA avait renoncé pour des raisons à la fois géologiques et géographiques. Donc ils ne comprennent pas cela, pourquoi ce qui était difficile hier devient facile aujourd'hui. Bah, c'est logique, non ? Mais font-ils part de leur étonnement ? À leur direction. Ben, il semble, oui. Toutefois, ils n'auraient pas été entendus. De la même façon, les spécialistes d'Areva auraient alerté en vain leur encadrement à propos d'un autre site d'Uramine, celui de Trekopier en Namibie. Non seulement, estiment-ils, la teneur en uranium du minerai est trop faible, mais une société minière qui exploite un gisement voisin, pourtant plus riche, connaît les plus grandes difficultés et est même menacée de faillite. Donc, alors, en dépit du fait que les experts d'Areva ne se sont pas déplacés, ils savaient que les sites proposés par Uramine étaient inexploitables. Oui, mais il apparaît que seules les études du cabinet d'expertise SRK, mandatées et payées par Uramine, ont été prises en compte dans la prise de décision d'achat. D'autres signaux d'alarme ont-ils été tirés ? Oui. À la mi-mai 2007, un groupe d'audit Pricawater Cooper s'inquiète de la qualité et de l'exhaustivité des informations fournies par Uramine. Mais chez Areva, personne ne tient compte de l'avertissement. Areva, société à capitaux publics, peut-elle prendre la décision de procéder à une acquisition très onéreuse sans en informer son actionnaire, l'État ? Bien sûr que non. Anne Lauvergeon, qui connaît parfaitement les usages administratifs, informe donc l'APE, c'est-à-dire l'Agence des participations de l'État. Son président, Bruno Bézard, étudie le dossier et n'est guère enchanté. Ah, pourquoi ? Parce qu'il estime que le projet est risqué. Il craint surtout que le prix demandé par Uramine ne soit surévalué. Par contre, là où il aurait peut-être dû être plus circonspect, c'est-à-dire la domiciliation d'Uramine dans un paradis fiscal, il n'émet aucun avis défavorable. Et c'est donc un feu vert qu'il délivre. Avec quelques nuances d'orange quand même. Mais n'importe comment, Anne Lauvergeon est décidée à aller de l'avant. Pour au moins une bonne raison. Quelques années plus tôt, alors que le ministre de l'économie s'appelait Thierry Breton, l'administration de Bercy lui a fait rater une superbe opération, l'acquisition d'une mine australienne qui a ensuite été raflée par l'un de ses principaux concurrents. Ah oui, alors, pas question de recommencer. C'est ça. Alors, la suite. Au début 2007, le cours de l'uranium flambe plus que jamais. Les dirigeants d'Uramine, qui veulent ramasser le plus gros paquet possible, décident de mettre Uramine aux enchères. Et c'est assez vicieux. Mais pourquoi, non ? Parce que cette procédure oblige les candidats acquéreurs à aller très vite, sans s'entourer de toutes les précautions qui seraient prises dans le cas d'un achat ordinaire. D'autant que déjà un investisseur chinois a montré son intérêt pour Uramine. Ouais. Donc pour gagner, il faut parier. En quelque sorte, même si, je vous l'ai dit, la direction d'Areva a déjà acquis la conviction qu'Uramine était une bonne affaire grâce aux analyses fournies par le cabinet d'expertise SRK. Des documents qui, bien sûr, ont été remis à tous les enchérisseurs. Pour sa part, Areva missionne la banque Rothschild pour mener des négociations en son nom et émettre un avis circonstancié sur la fiabilité de l'opération. Et la banque ne trouve rien à redire ? Rien du tout, malgré le fait que le prix demandé par les dirigeants d'Uramine ne cesse de progresser. Tout cela donne l'impression d'un aveuglement général ? Oui et non, je m'explique. La hausse prodigieuse du cours de l'uranium pourrait inciter à la prudence. Mais en même temps, si l'uranium devient de plus en plus cher, ça signifie aussi que des gisements qui avaient été jugés non rentables le deviennent dorénavant. C'est sans doute ce qu'on se dit chez Areva pour se rassurer. Et puis, il y a, je vous le rappelle, le contexte politique. Ah oui, l'élection présidentielle. En avril-mai 2007, oui. Donc, Anne Lauvergeon est très pressée. Et quand vient l'élection de Nicolas Sarkozy, bah, elle pense que l'opération est suffisamment engagée pour empêcher tout retour en arrière. Vers la fin mai, le comité stratégique du groupe donne son feu vert à l'acquisition. Au cours de la réunion, le directeur du développement des mines, le Belge, Daniel Wouters, affirme de façon péremptoire que les experts ont confirmé que l'exploitation des gisements ne soulevait pas de difficultés particulières. Et sa voix fait autorité ? En effet. Ensuite, très logiquement, le conseil de surveillance d'Areva autorise le directoire à acheter 100% des titres d'uramine pour la somme de 2,5 milliards de dollars. Ouais, soit à peu près 1,8 milliards d'euros. Hein. Précision importante, le groupe assure alors acheter avec d'autres partenaires qui doivent monter au capital de la société. Et parmi eux, il y a un électricien public chinois. Ouais, ça, c'est encore une façon de se rassurer. Ou de rassurer tous ceux qui sont effarés par l'énormité de la somme. Or, finalement, malgré les conditions très avantageuses proposées aux partenaires chinois, celui-ci renonce. Mmh. Donc Areva doit assumer toute seule cet achat faramineux. EDF, tenté également d'accompagner Areva dans l'affaire, finit aussi par se dédire sur le conseil de la banque Goldman Sachs, qui pointe des risques et un prix beaucoup trop élevé. Et déjà, des gens très bien informés soupçonnent des manipulations boursières derrière l'augmentation ahurissante du prix des actions d'uramine qui ne correspond pas à l'évolution du cours en bourse de l'uranium sur les 6 derniers mois. Mais ils ne s'expriment pas publiquement. Manipulation, c'est-à-dire des opérations frauduleuses ? À la limite de l'escroquerie pure et simple. Et que ne l'ont-ils dit avant, hein ? C'est vrai. Et qui se trouverait alors derrière ces manipulations ? Ben, selon ces mêmes sources, il y aurait à la fois des personnalités politiques étrangères, mais aussi françaises, en tout cas. À la mi-juin 2007, un communiqué de presse d'Areva annonce officiellement l'achat d'uramine. Donc aucun retour en arrière n'est plus possible ? Non, l'affaire est ficelée. Et l'agence des participations de l'État, qui avait pourtant émis des doutes avant l'achat, souligne qu'il s'agit là d'une belle victoire industrielle de la France. Victoire industrielle. Aucune critique, donc. Enfin, publique, en tout cas. Et le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, actionnaire d'Areva, se félicite aussi de la conclusion de cette affaire. Mais c'est surtout au sommet d'Areva qu'on baigne dans l'euphorie. L'un des principaux responsables de la branche minière, qui sera d'ailleurs l'un des premiers à critiquer plus tard, Anne Lauvergeon, rédige même une présentation à l'usage de ses subordonnés où il fait état de la nouvelle production d'uranium attendue grâce au nouveau gisement. Production évaluée à plus de 7000 tonnes par an dès 2009. Ouais, je crois me souvenir que vous m'avez dit qu'en 2005, Areva avait produit seulement 6000 tonnes. Hein. Donc avec les gisements uramine, on fera plus que doubler cette production. Toutefois, les déconvenues ne vont pas tarder. Et ça va être particulièrement vrai en Centrafrique. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Ce qui est confondant dans cette affaire, c'est que se trouvait dans les archives d'Areva, héritière de la COGEMA, un rapport précis sur les travaux effectués puis abandonnés autrefois à Bakouma, le gisement centrafricain. C'est ce que je lis sous la plume de Martine Orange, une journaliste de Mediapart, qui est l'une des meilleures spécialistes de l'affaire uramine. Elle cite en effet le troisième tome d'un ouvrage, « La mine et les mineurs de l'uranium français », préfacé par Anne Lauvergeon et rédigé par un géologue du groupe Antoine Pocard. Extrait. Un chapitre s'intitule « Aventure et échec à Bakouma ». Il raconte l'enthousiasme du début lors de la découverte du gisement, puis les déconvenues multiples par la suite. Le CEA, Péchinet, Eugène Kullmann, puis le groupe alu suisse associé aux recherches, car l'exploitation de la mine aurait dégagé du fluor et du chlore en sous-produit de l'uranium, s'y sont tous cassés les dents. Car la mine n'est pas seulement difficile à exploiter en raison des difficultés du terrain, une large partie du gisement est sous l'eau dans des marais, de son éloignement géographique à plus de 800 km du premier port, de l'absence d'infrastructures, elle l'est aussi pour des raisons géologiques jusqu'à présent insurmontables. Le minerai d'uranium est en effet entouré d'un réseau cristallin, l'apatite. Les techniques minières que nous avons à disposition ne permettent pas d'extraire le minerai à un coût acceptable. Ni le broyage, ni les méthodes chimiques de dissolution ne parviennent à venir à bout de cette roche dure. Vous parliez de déconvenues. Oui, j'y viens tout de suite. Une précision d'abord. Pour justifier le prix d'achat très élevé d'uramine, arriva à affirmer qu'il comptait mettre en exploitation très vite les trois gisements acquis en 2009 pour la Namibie, 2010 pour l'Afrique du Sud et 2012 pour la Centrafrique. Mais dès 2009, il a bien fallu constater que ce calendrier d'exploitation ne serait jamais tenu, pour au moins une bonne raison. Laquelle ? Les ingénieurs d'Areva ont décidé de pratiquer sur ces gisements d'importantes campagnes de carottage. Oui, pour découvrir la réalité de ce qu'Areva avait acheté. C'est-à-dire, entre autres, la teneur en uranium des sites. Ce qui aurait dû être pratiqué avant l'achat. On peut raisonnablement le penser, en tout cas. Les résultats complets des analyses effectuées ne seraient pas connus avant 2011. C'est ce que prétend Areva. Et ça me paraît quand même très long. C'est pourquoi on peut penser que ce délai avant de commencer une possible exploitation n'a été invoqué que pour masquer ces déconvenues que je vous annonçais. Alors, voyons ça dans l'ordre, gisement après gisement. On commence par où ? La mine de Namibie d'abord, située à Trécopier. Les géologues d'Areva vont assez rapidement s'apercevoir que ni la qualité ni la quantité ne sont au rendez-vous. La teneur en uranium serait même 5 à 8 fois inférieure à celle des rebuts des anciennes mines du Limousin, autrefois exploitées par la Kogema. Et abandonnées. Oui. En dépit de ce constat très décevant, et dans l'attente d'analyses géologiques complémentaires et donc plus prometteuses, Areva construit là-bas une centrale électrique et une usine de dessalement. Ça veut dire que la direction d'Areva semble toujours y croire, ou alors elle fait semblant. Non, elle croit réellement au potentiel de la mine de Namibie. Mais il faut dire qu'avant l'achat, les propriétaires d'uramine ont affirmé que ce gisement était promis à devenir l'un des plus grands sites de production d'uranium au monde et garantissait au moins 8000 tonnes dès 2008. En tout cas, si je comprends bien, la direction d'Areva a du mal à redescendre sur Terre. Il y a un peu de ça. Le rêve était trop beau. Et un peu plus tard, la mise en production de Trécopier sera abandonnée car son exploitation sera jugée non rentable. Alors maintenant, le gisement de Reshkao en Afrique du Sud, dans le contrat d'achat d'uramine, la mine a été valorisée à hauteur de 500 millions de dollars. Et pourtant, dès les premières recherches, on s'aperçoit qu'elle ne vaut rien. Il n'y a pas d'uranium ? Si, il y en a, mais réparti en de multiples petites poches qui rendent une exploitation éventuelle aléatoire et coûteuse. C'est si vrai que ces recherches, à peine commencées, ont été arrêtées. Encore une tuile, là. Donc les 500 millions, là, sont passés par pertes et profits. Oui, mais la patronne d'Areva a du mal à digérer la pilule. Elle ne veut pas en rester là. Par conséquent, Anne Lauvergeon, avertie dès la fin 2009 de l'impossibilité d'exploiter la mine, exige que des terrains périphériques de la mine soient achetés. Dans l'espoir d'y trouver de l'uranium. Bien sûr, mais la manœuvre est d'abord comptable. En effectuant ces acquisitions, qui pourraient être prometteuses dans les 5 ou 10 prochaines années, Areva ne déprécie pas totalement la mine de Reshkao. Au moins dans ses livres. Une façon de masquer un grave échec. Libre à vous de le penser. Mais enfin, passons au plus gros morceau, le plus sulfureux aussi. Les mines de Centrafrique. Oui, et il s'agit d'une affaire déjà ancienne, car le premier gisement a été mis au jour dès 1959, près de la ville de Bakouma. Une découverte qui suscite d'ailleurs beaucoup d'espoir. Je vais vite, mais dans les années 60, la Kogema sait déjà que les mines du Limousin ne tarderont pas à être épuisées. Et la République centrafricaine, malgré l'indépendance, c'est encore un peu la France. La France-Afrique, oui. Et ses différents présidents sont nos obligés, en particulier Jean-Bédel Bokassa, qui va se couronner lui-même empereur avec la bénédiction de Paris. Mais à la fin des années 70, ça se gâte. Sa Majesté Bokassa se rebiffe pour de multiples raisons et menace même de mettre ses mines d'uranium à la disposition de Kadhafi. Et ce sera, selon vous, si je me souviens bien, l'un des motifs qui poussera Paris à le destituer manu militari. Ça veut dire en tout cas qu'il y a vraiment de l'uranium en Centrafrique. Assurément, mais il est très difficilement exploitable. La COGEMA, qui a envisagé l'exploitation, y a même renoncé au début des années 70. Toutefois, la flambée du cours de l'uranium peut sans doute changer la donne. Ouais, ce qui se produit, m'avez-vous dit, au mi-temps des années 2000. Oui, la COGEMA ayant abandonné depuis longtemps, c'est la toute jeune société Uramine qui passe en février 2006 une convention avec le gouvernement centrafricain. Elle peut donc exploiter le gisement de Bakouma. Mais elle s'en garde bien. C'est un accord purement spéculatif. Mais lorsqu'Uramine, dont le cours boursier ne cesse de croître, commence à négocier avec Areva, la mine centrafricaine fait partie du paquet cadeau. Et Areva va acheter, enfin, en dépit du fait que ces géologues ont une parfaite connaissance des difficultés d'exploitation. Ah, et telle est la vérité. Mais ce n'est qu'un début, car bientôt ça va se compliquer. Ça va se traduire par des manœuvres qui vont donner lieu à d'obscurs mouvements d'argent et à l'intervention de curieux intermédiaires. Toutefois, n'allons pas trop vite. Ça, je m'en doutais. Le président centrafricain est alors François Bozizé. Et tout de suite après l'accord passé entre Uramine et Areva, habilement conseillé, il conteste le transfert des droits sur le site de Bakouma. Mais sous quel prétexte ? Le droit de son pays. La réforme du code minier adoptée en 2004 impose que le gouvernement centrafricain soit actionnaire à 15% de toute compagnie possédant des permis miniers dans le pays et lui accorde un droit de regard en cas de vente. Or, la vente a eu lieu sans consultation des autorités de Bangui. Et Bozizé exige le paiement des 15%, soit la coquette somme de 120 millions de dollars. Vous avez dit, en parlant de Bozizé, là, habilement conseillé, c'est bien ça, un pain par qui ? Auprès du président se trouve un conseiller pakistanais, un certain Saïfé Durbar, qui l'a nommé vice-ministre des Affaires étrangères. Un richissime homme d'affaires qui vit entre Londres et l'Afrique et possède un passeport diplomatique centrafricain. Et c'est bien pratique, parce que ce Durbar est en délicatesse avec la justice française. Et que lui reproche-t-on ? Il a été condamné à 3 ans de prison par contumace dans une affaire d'escroquerie à l'investissement. Une accusation qu'il a toujours niée. Ouais, mais peut-être pas très net, le bonhomme. Sans doute. Mais il va devenir un personnage clé dans cette affaire. Parce qu'en mettant son nez dans ce dossier, il aura la possibilité de décortiquer les aspects les plus intrigants de la vente d'uramine à Areva. Mais, encore une fois, un peu de patience. Bozizé veut donc de l'argent. Attendez, pour lui ou pour son pays ? Ne soyez pas naïf. Dans certains pays en voie de développement, il est tellement facile pour un dirigeant de confondre sa cassette personnelle avec celle du trésor public. En tout cas, le président centrafricain est bien décidé à toucher sa part. Et pour aboutir, il emploie les grands moyens. Il interdit purement et simplement à Areva l'accès à son gisement de Bakouma. À ce gisement que le groupe nucléaire français a payé si cher. Il va donc falloir négocier. Oui, et selon une tradition digne de la France-Afrique, Areva en appelle au gouvernement français. Le monsieur Afrique de l'Élysée, Bruno Joubert, est mobilisé. Et il désigne un facilitateur. Un facilitateur, un intermédiaire susceptible de rapprocher les deux parties. Et qui est choisi alors ? Georges Forest, un minier belge qui règne sur la plus grande partie du secteur minier de l'ancien Zaïre. Oui, la République démocratique du Congo. Ce grand ami de la France a même été nommé consul honoraire de notre pays à Lubumbashi, c'est-à-dire dans son fief du Katanga. Alors, il est donc chargé, lui, d'entamer des négociations avec le président Bozizé. Et son conseiller, le Pakistanais Durbar. Mais assez curieusement, on voit apparaître aux côtés de Forest le député maire de Levallois, Patrick Balkany. Que vient-il faire là-dedans ? Il commence à beaucoup s'occuper de l'Afrique, où il va même faire figure de missi dominici de Nicolas Sarkozy auprès de quelques chefs d'État du continent. Oui, moi c'est une action qui n'est peut-être pas tout à fait désintéressée. Allons, monsieur Penaud, vous avez vraiment mauvais esprit. En tout cas, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'Élysée n'est pas étranger à la présence de Balkany dans la négociation avec la Centrafrique. Oui, à cause des liens d'amitié entre le président Sarkozy et le maire de Levallois. On peut le supposer, non ? France Inter, Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Patrick, Balkany et l'Afrique. Coup de projecteur sur les activités africaines du maire de Levallois. Je l'ai trouvé dans un article rédigé avec une plume acide dans un numéro de novembre 2014 de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Il rêvait d'endosser le rôle de Monsieur Afrique auprès de Nicolas Sarkozy. Patrick Balkany a été mis en examen le 21 octobre pour blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption. En cause, sa responsabilité présumée dans un système d'évasion fiscale passant par le continent africain entre 2007 et 2011. Ce n'est certainement pas le scénario que cette grande gueule, réputée pour ses colères spectaculaires, avait imaginé, lui, qui durant tout le quinquennat de Sarkozy a joué les émissaires plus ou moins officiels et s'est souvent vanté d'avoir usé de son entregent pour aider les entreprises françaises à s'implanter en Afrique. Ses ennuis actuels remontent à septembre 2008, lorsqu'il aide l'industriel belge Georges Forest, qui souhaite investir dans l'uranium, à acquérir une compagnie namibienne pour 500 millions de dollars. Pour son rôle d'apporteur d'affaires, il reçoit, au dire de Forest, une commission de 5 millions de dollars qui se serait envolée vers un compte à Singapour. Avanguy, Forest et Balkany sont donc à la manœuvre. Début août 2008, un accord intervient entre la Centrafrique et Areva. Le groupe accepte de verser 40 millions d'euros au gouvernement centrafricain et 12% des bénéfices issus de la future production minière. Une négociation à succès, donc. D'autant plus méritoire que ni Forest ni Balkany n'auraient été rémunérés pour leur rôle de facilitateur. Mais ça, pardonnez-moi, j'ai du mal à y croire. Et quand en 2014, les magistrats du pôle financier du tribunal de Paris découvriront un versement de 5 millions d'euros sur un compte à Singapour appartenant à un proche de Balkany, ils se poseront des questions. Même si cette somme aurait été une commission versée par Forest à l'occasion d'un achat de mine en Namibie. Mais que soupçonnent ces magistrats ? Bon, qu'il s'agit en réalité d'une rétro-commission directement liée à l'accord Areva-Centrafrique. Mais je ne peux pas en dire plus. Cet accord est donc intervenu. Et encore une fois, Areva a payé. Hein. Mais pour rien, puisque la mine de Bakouma est inexploitable. Oui, mais Areva continue de faire semblant et investit. Sur le site, des infrastructures et une usine de dessalement sont édifiées. Au total, dans les mines achetées à Uramine, Areva va encore engloutir 1 milliard d'euros, alors que bientôt ces mines vont être mises sous cocon. Ce qui veut dire sous cocon? En termes miniers, ça signifie qu'on renonce à les exploiter. Et à l'intérieur même du groupe nucléaire, ça commence à sérieusement tanguer. À quel niveau? Au sommet. Les membres du directoire se posent des questions sur la gouvernance d'Anne Lauvergeon. Et ils se demandent pourquoi les gisements d'uramine, qui vont peu à peu se révéler inexploitables, ont été achetés si cher. Ça va même très loin, puisque le directeur des mines, nommé un mois après l'annonce de rachat d'uramine, et qui est pourtant un protégé de la grande patronne, va même faire appel à un détective privé. Pour y voir plus clair. Et pour espionner de façon complètement illégale Anne Lauvergeon, et même son mari. Ouais. Oui, parce que son mari, parce que celui-ci aurait contribué au recrutement du Belge Daniel Wouters, hein, le directeur du développement des mines. Hein. Wouters qui a forcément joué un rôle essentiel lors de l'achat d'uramine par Areva. Quoi qu'il en soit, les rumeurs commencent à filtrer à l'extérieur d'Areva. Les services secrets s'y intéressent. Et bien sûr, le gouvernement est alerté. Réaction. Le démineur en titre de tous les dossiers économiques piégés ou litigieux de la présidente Sarkozy est pressenti pour faire la lumière et éventuellement le ménage. Qui est-ce? C'est à la fois un expert comptable et un grand commis de l'État. René Ricol, nommé en 2010 président du comité d'audit au conseil de surveillance d'Areva, il examine de près le dossier de l'acquisition de 2007. Deux rapports vont en sortir. L'un officiel, dans lequel sont expurgées les informations gênantes ou confidentielles. Et l'autre, officieux, qui ne sera jamais rendu public et mettra en relief les erreurs commises dans l'affaire Uramine. Mais sans vraiment accabler l'Auvergeant, Ricol recommandera quand même oralement à Sarkozy de ne pas la reconduire au terme de son mandat. Bah, ça sonne quand même comme un désaveu. Ah oui, mais un désaveu feutré. Cependant, il est de plus en plus difficile de masquer le désastre. À la fin de l'année 2010, dans son rapport annuel, la direction d'Areva fait apparaître pour la première fois les pertes dues à Uramine et provisionne plus de 400 millions d'euros. Ah ça, c'est déjà un semi-aveu. Hein. Et un peu plus tard, un audit demandé à une société de conseil établit qu'Areva a été vraisemblablement victime d'une escroquerie, sans doute facilitée par des complices au sein du groupe. Ça, c'est déjà beaucoup plus grave. Heureusement, si j'ose dire, la catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 2011 arrive à point nommé pour justifier les déboires financiers d'Areva. Ouais. Oui, c'est-à-dire la chute des cours de l'uranium. En particulier. Mais l'embellie est de courte durée. Un mois plus tard, la presse évoque une affaire d'État. Ouais, et dans la foulée, Anne Lauvergeon n'est pas reconduite. Mais elle est bien décidée à se défendre bec et ongles. En juin 2011, devant les députés de la Commission des Finances, elle fait valoir qu'il s'écoule en moyenne 15 ans entre la détection d'uranium et l'ouverture d'une mine. Or, les gisements d'uramine ont été achetés seulement 4 ans plus tôt. Bah, il n'empêche que l'affaire pèse de plus en plus lourd dans les comptes du groupe. En décembre 2011, 1,5 milliard d'euros sont provisionnés. Et toujours à l'Assemblée nationale, les révélations continuent. Les vérifications opérées par Areva avant l'achat sont jugées insuffisantes. Et surtout, l'Agence des participations de l'État aurait été trompée. Cependant, Anne Lauvergeon passe entre les gouttes. On la dédouane de toute faute. Mais elle n'obtiendra pas le portefeuille ministériel qu'elle espérait après l'élection de François Hollande en mai 2012. Et après ? Bah, le déballage se poursuit, car c'est maintenant la Cour des comptes qui se mêle de l'affaire et ordonne une enquête préliminaire confiée à la brigade financière. Dans son rapport définitif de 2014, elle est particulièrement sévère et relève 3 lourdes fautes. D'abord, la Cour souligne les zones d'ombre autour de la personnalité des actionnaires d'Uramine. Inutile d'insister, je vous en ai moi-même parlé la semaine passée. Et ensuite ? Après l'acquisition des mines, Areva a lancé des investissements très élevés sur les gisements sans en connaître la vraie valeur. Troisième grief, le groupe a mis trop longtemps à reconnaître la pauvreté du gisement de Namibie et a tardé à passer des provisions. Enfin, la Cour des comptes insiste sur le mauvais fonctionnement interne d'Areva, où les faits et gestes de Lauvergeon n'étaient pas suffisamment surveillés. Mais j'imagine qu'après ce rapport de la Cour des comptes, Lauvergeon a réagi. Bien entendu. D'abord, elle a soutenu que la gouvernance d'Areva était collégiale. Ensuite, elle a affirmé que si on n'avait toujours pas extrait d'uranium des 3 sites, ça ne voulait pas dire qu'il n'y en avait pas. Pour elle, il est toujours sous terre. Ah ouais, alors un jour ou l'autre, on arrivera peut-être à en produire ? Bah, c'est ce qu'elle prétend. Alors, venons-en à ce roman à clé que j'ai évoqué, Radioactif, la semaine passée. Son auteur, Vincent Crouzet, a recueilli les confidences de ce conseiller pakistanais du président Bozizé, le nommé Durbar. Et c'est très troublant, parce que les deux hommes sont manifestement très bien informés. Oui, mais alors, que disent-ils ? Ben, ils soutiennent que si le prix d'achat d'uramine a atteint de tels sommets, c'est que sa valeur a été sciemment surévaluée dans le but de verser des rétrocommissions à un certain nombre de personnages. Mais qui ? Des hommes politiques français et des affairistes. Alors, avec la complicité de femmes et d'hommes appartenant à l'encadrement d'Areva ? Ça semble implicite. Rappelez-vous cette curieuse opération. Areva achète d'abord un petit paquet d'actions. Conséquence, aussitôt, le cours d'uramine bondit. Et Areva devra encore payer plus cher pour acquérir la totalité des actions. Exactement. Ah. Alors, Anne Lauvergeon aurait-elle été personnellement partie prenante de ce qui ressemble à une escroquerie ? Vous voulez dire, est-ce qu'elle a touché ? Eh bien non. Si Lauvergeon est incontestablement fascinée par le pouvoir, ça n'est pas une femme d'argent. En fait, je pense que si elle s'est prêtée à ce jeu, c'est qu'elle avait autre chose en tête. Un projet beaucoup plus fructueux pour son entreprise. Quoi alors ? C'est un très sérieux journal sud-africain, le Mail and Guardian, qui a soulevé ce lièvre en 2012. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans notre précédent entretien. Dans cette affaire Uramine, on rencontre très souvent des personnages liés à l'Afrique du Sud. Oui, Anne Lauvergeon étant elle-même membre d'un conseil d'investissement aux côtés du président sud-africain Mbeki. C'est exact. Mmh. Et le président exécutif du Ramin, Samuel Jonah, était aussi un proche de Mbeki. Il traitait nombre d'affaires avec l'Afrique du Sud, où il était lui-même un promoteur du nucléaire. C'était donc un homme très influent là-bas. Hein. En effet. Et Anne Lauvergeon comptait certainement sur lui et sur le président Mbeki pour obtenir la signature d'un fabuleux contrat pour Areva, c'est-à-dire la construction de plusieurs réacteurs et une usine d'enrichissement d'uranium pour une valeur au moins 10 fois supérieure à celle de l'achat du Ramin. Oui, alors, elle pouvait faire plaisir à Jonah en lui achetant très cher Uramine, ou Uramine, dont une mine se trouvait justement en Afrique du Sud. Alors au fond, peu importait qu'Uramine ait été surévalué. Il ne tiendrait jamais les promesses de production d'uranium vantées par ses actionnaires. Malheureusement, d'une part, je vous l'ai dit, le gisement sud-africain d'Uramine s'est révélé inexploitable. Et surtout en 2008, contrairement à ce que l'on pouvait penser, Mbeki n'a pas été reconduit à la tête de son pays à la suite de querelles internes au sein du parti majoritaire. Et à peine élu, son successeur a annoncé qu'il renonçait à s'équiper en centrale nucléaire. La belle opération était à l'eau et pouvait laisser place au scandale Uramine. Cette émission a été réalisée par Michel Billoux et François Audouin et mise en musique par M. Djoub, préparé comme d'habitude par Rebecca Denant, qui a lu peut-être quelque chose. Oui, Patrick, je reviens en deux mots sur la trame du polar d'espionnage de Vincent Crouzet, Radioactif. En 2009, un agent du service action de la DGSE retiré des affaires est contacté par un affairiste pakistanais, aux abois, qui a fait fortune dans les mines et le trafic d'armes. Craignant pour sa vie, le Raja, comme on l'appelle, veut déballer tout ce qu'il sait des dessous du scandale Urafrique. Urafrique, du nom d'une petite start-up spécialisée dans l'achat de mines d'uranium, rachetée à un prix faramineux par la multinationale française Murana et son PDG Étienne de Nogaret. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles serait évidemment purement fortuite. Ouais, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est palpitant et paru chez Belfond. Bien. Bah, comme d'habitude aussi, vous avez rendez-vous avec nous sur franceinter.fr. À samedi prochain et tout de suite après le flash. Un peu d'oxygène, mais non, c'est Au-deux mon amour de Denis Chessou.